Vous écoutez France Culture. Bonjour. Jacques Le Goff nous a quittés le 1er avril de cette année. Et cette émission est la dernière qu'il aurait faite. Nous avons souhaité lui rendre hommage, nous, c'est-à-dire les lindistes, si j'ose dire, Roger Chartier, Philippe Le Villain, Michel Perrault, et puis deux médiévistes qui lui ont été très proches, Jean-Claude Schmitt et Patrick Boucheron. Et puis Jean-Pierre Leroux. Jean-Pierre Leroux, comédien, notre lecteur, et qui a accompagné Jacques chaque semaine, puisque Jacques, pour les lundis, aimait beaucoup, toujours, la lecture de textes et partait souvent de ses textes. Donc Jean-Pierre est vraiment un des familiers oui. de la pratique de... Presque amicalement, de Jacques puisque Le Goff. En dehors de rendez-vous de, pour les émissions, j'allais le voir de temps à autre pour... lui parler de Paris, du théâtre, parce qu'il aimait beaucoup ça. Alors j'allais une heure de temps en temps chez lui jusqu'au dernier jour où je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Vous êtes un des grands témoins de Jacques et oui. de la fin de la vie de Jacques. Alors, Jacques et les lundis, un petit rappel, peut-être c'était une émission qu'il aimait beaucoup. Il n'était pas le fondateur. C'était Pierre Cipriot qui avait fondé l'émission en 1967, très exactement en février 1967. Mais en 68, Pierre Cipriot avait demandé à Jacques Le Goff de le rejoindre. Et à partir de ce moment-là, Jacques a assuré une émission hebdomadaire entre 68 et 72. Et puis à ce moment-là, il a été élu président de l'école des hautes études en sciences sociales. Il ne pouvait plus, bien entendu, faire une émission hebdomadaire. Il a continué cependant à faire beaucoup d'émissions, mais il avait demandé à Denis Richer de le remplacer. C'est à ce moment-là que Denis Richer est entré en scène comme un peu maître des lundis de l'histoire. C'est amusant, rétrospectivement, de penser que Denis Richer était un spécialiste de la Renaissance, du XVIe siècle en tout cas, de cette Renaissance dont Jacques nous a dit récemment qu'on n'était pas très sûr qu'elle ait existé. Et nous voyons un petit peu, nous aurons l'occasion de reparler, j'imagine, de cela. Alors, dans une émission enregistrée en 2012 avec Emmanuel Laurentin, La Fabrique de l'Histoire, et que Laurentin a bien voulu me communiquer, Jacques précise quels étaient ses objectifs dans ces émissions. Il dit sortir de l'histoire divertissement, l'histoire savante, mais l'histoire savante communiquée au grand public, l'histoire des textes, l'histoire des sources, la pluridisciplinarité, il y insistait beaucoup, les sciences sociales dans leur ensemble, peut-être l'anthropologie plus particulièrement, et puis la très grande importance du temps, et aussi la surrection de nouveaux objets. Par exemple, il donnait comme exemple à Laurentin le chat de Laurence Bobis, auquel il avait consacré une émission. Et puis il disait aussi, on voit maintenant apparaître les émotions, les passions, et puis il y a eu les images. Et il faisait bien sûr référence aux travaux de Jean-Claude Schmitt et de Michel Pastoureau. Alors, son attachement à l'émission était très grand. Il est très très grand et il a continué pendant qu'il était malade à enregistrer pendant plusieurs années. On allait enregistrer chez lui, vous vous en souvenez bien, Jean-Pierre. Et il a reçu chez lui, dans son appartement de la rue de Blainville, les plus grands savants médiévistes du monde entier. Umberto Guéremec, bien sûr, avant son tragique accident. Umberto Eco et combien d'autres. Oui. C'était véritablement devenu un espèce de petit centre médiéval, comme ça, en plein cœur de Paris. Alors, nous allons d'abord évoquer peut-être nos souvenirs un peu personnels, comme ça. C'est une conversation que nous avons autour de Jacques. Puisque j'ai le micro, j'en rappellerai deux. Un de vacances. Nous étions en vacances en Auvergne, Jean-Claude Perrault et moi, Et il y avait Jacques et Anka. Anka, dont j'ai vraiment fait la connaissance à ce moment-là. Anka, l'épouse qu'il avait épousée, l'épouse polonaise, c'était très important, hein, le 1962. Et ils découvraient tous les deux les églises romanes, qu'ils devaient déjà connaître beaucoup, mais enfin, ils revisitaient les églises romanes d'Auvergne. Et ce fut un très bel été dont nous avons souvent reparlé par la suite. Et puis, plus sérieux, Jacques Le Goff à l'Académie universelle des cultures, dont il a été, c'était une création de François Mitterrand, et ça vous situe le milieu des années 80, et il en était véritablement, avec Umberto Eco et Georges Semprin, le trio. C'était ce trio sur lequel Elie Wiesel, qui était le président de l'Académie universelle de culture, s'appuyait. Et alors on a eu véritablement des feux d'artifice de Jacques Le Goff au cours de ces assemblées annuelles qui étaient destinées à communiquer, j'allais dire la bonne pensée peut-être, aux lycéens qui venaient à ce moment-là. Voilà, en ce qui me concerne, des souvenirs plus personnels. Mais vous, Philippe Levillain. Alors, Michel, moi, je suis entré comme quatrième mousquetaire au lundi de l'histoire en 1982, quand il a semblé à Jacques, puisqu'il y avait de l'histoire ancienne et médiévale. Bon. Et puis ensuite, l'histoire moderne, avec Pierre Richer et Henri Chartier, il fallait aussi qu'il y ait de la contemporaine, que nous avons ensuite assez rapidement partagée, c'est-à-dire moi, histoire politique, diplomatique et religieuse, et vous, plutôt histoire sociale, et tous les deux préoccupés quand même des grands sujets de réflexion de Jacques, qui est ce qu'on appelle le goût pour les sources et l'anthropologie, bon. Et les signes des temps. Voilà. Donc à partir de là, donc 1982, j'ai fait partie de l'équipe, qui était l'équipe de Jacques, cette merveilleuse connivence qui fait que Jacques, un, vous laissait totalement libre, ne demandait jamais ce que vous alliez traiter, ce qui était quand même, il était quand même le chef d'orchestre de la formation, bon, même s'il s'agissait d'un quatuor. Et d'autre part, qu'il téléphonait souvent après pour dire qu'il trouvait que l'émission était bonne ou qu'il fallait corriger sur tel point ou tel point, etc. Bon. En histoire contemporaine, on était obligé de revenir à un certain classicisme. Mais même si, grâce à des gens comme Alain Corbin ou vous, l'histoire contemporaine a beaucoup évolué sur la façon dont on peut traiter, je dirais, non seulement le corps humain, mais le comportement humain et le sens de ce qu'est l'environnement. Bon. Alors, je voudrais simplement parler du purgatoire, parce qu'il se trouve que j'étais à l'époque à Rome, directeur des études pour l'histoire moderne et contemporaine, fonction qui n'existait pas jusqu'en 1974, puisque l'École française de Rome, fondée en 1871, l'Institut d'archéologie et d'histoire, installé au Palais Farnèse, avant même l'ambassade, s'occupait d'archéologie et d'histoire, et surtout d'archéologie, d'histoire ancienne, d'histoire médiévale. Il n'y avait pas de moderniste et contemporanéiste. Mon prédécesseur était Maurice Aymard. Voilà. Et alors, c'est donc j'étais en poste depuis 1977, quand Jacques est apparu brusquement. Il était membre de l'École française de Rome en 1952-1953, ce qui n'est pas rien. Donc, il avait reçu un côté de sa formation de normalien, d'agrégé, d'universitaire, de médaillé plus tard du CNRS, avec sa curiosité permanente. Il avait reçu cette culture romaine à laquelle il tenait beaucoup. Il est venu finir le purgatoire à Rome. Je me souviens très bien, il l'a dit. Il est purgatoire à Rome. Voilà. Vous savez très bien que c'est ce qu'il appelle le troisième site, le troisième lieu. Il cite cette phrase de Chateaubriand au début de son livre qui est très étonnante. Le purgatoire surpasse en poésie le ciel et l'enfer en ce qu'il représente un avenir qui manque aux deux premiers. Ce qui est une phrase magnifique. Donc il s'est posé la question de l'avenir, du pourquoi, du comment et surtout de l'actualité du purgatoire. Donc il a fini ce livre à Rome. Il travaillait à la bibliothèque de l'École française de Rome tous les après-midi, puisqu'il ne pouvait pas au Vatican le matin. Et il était plongé dans Dante. D'ailleurs, la fin du livre est en fait une analyse du purgatoire chez Dante, avec ce qu'il en dit, ce qu'il n'en dit pas, et ce qu'il aurait peut-être pu en dire. Donc la fin du purgatoire est la fin d'un livre poétique. Et alors, la dernière chose sur laquelle je vais m'interroger, pour laisser la parole à nos autres amis, c'est je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi Jacques s'est attiré sur le purgatoire en 1980 par rapport, je dirais, à ses préoccupations spirituelles, si vous permettez cette expression, parce qu'il s'est aussi occupé de Saint-Louis après. C'est-à-dire que, donc il a toujours cherché ce qu'il pouvait y avoir dans le Moyen-Âge qui touchait au ciel, à l'enfer et au milieu. ce qui était assez étonnant. Et sa lecture de Dante s'approfondissant, il a dit des choses de plus en plus merveilleuses sur Dante, comme si, d'une certaine façon, il comprenait le purgatoire, comme il le dit un peu, autrement que Dante n'aurait dû le comprendre, ce qui est une question d'uchronie. Bon. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ce livre m'a émerveillé, je trouve que c'est un des plus beaux livres que j'ai lu de lui. J'ai lu Saint-Louis naturellement, au terme duquel d'ailleurs il est quasiment tombé malade tellement il travaillait avec acharnement, passion et je dirais dévotion. Il avait une dévotion pour l'histoire qui était véritablement une chose absolument exceptionnelle. Je ne dis pas que d'autres historiens n'ont pas cette dévotion, mais il avait une dévotion pour l'histoire et pour son développement et pour le Moyen-Âge. C'est quand même lui qui a introduit, si j'ose dire, sacralisé le mot intellectuel qui était considéré au XIXe siècle comme un terme qui désignait ceux qui ne faisaient rien de leurs propres mains et dont il a fait ce qui était vraiment de faire de l'esprit et de la science un savoir qui avait une réalité objective dans la connaissance du monde. Jean-Claude Schmitt et Patrick Boucheron, je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous-même, vous êtes professeur d'histoire médiévale à Paris 1. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce purgatoire, Jean-Claude Schmitt ? Je pense que la question... Vous avez parlé de spirituel, n'est-ce pas, du Moyen-Âge ? Oui, c'est peut-être cela. Je pense cependant que les deux questions principales, d'une part, sont celles du temps, et on aura l'occasion d'y revenir, puisque la phrase de Chateaubriand est en effet admirable. Quel est l'avenir ? Il y a un lieu dans l'au-delà qui a un avenir, qui est inscrit dans le temps, ce temps des hommes qui est arraché au temps de Dieu, à l'éternité de Dieu, exactement. Le purgatoire, on en sort, et donc il y a une trajectoire humaine dans l'au-delà qui permet de sortir du purgatoire pour aller toujours dans le même sens, toujours au paradis. Donc il y a cette question du temps et la manière dont les hommes ont arraché le temps à Dieu. Voilà la question essentielle. Et l'autre question, c'est pourquoi l'ont-ils fait ? Comment l'ont-ils fait ? Et c'est cette idée d'un troisième lieu qui est en quelque sorte, pour résumer, pour simplifier, à l'image même de la société humaine de ce temps, entre le XIIe et le XIIIe siècle. Comment se forme un troisième état de la société avec les villes, avec la bourgeoisie ? Et quel est le lien entre cette reconfiguration de la géographie de l'au-delà et l'évolution des structures sociales ? Si vous permettez juste dire un mot, Michel, par rapport à ce que vient de dire Jean-Claude Schmitt. C'est un livre très modéré, parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il soit très violent contre la monarchie apostolique, comme il dit. Il ne dit jamais la papauté, la monarchie apostolique. Or, c'est un livre très, très modéré, puisqu'on sait quand même que le purgatoire a permis les indulgences, a permis cet monnayage du salut des âmes, a permis des messes, etc. Bon, bref, je résume très rapidement, c'est tout ce que je voulais dire, mais par rapport à ça, le style de Jacques Le Goff n'est jamais polémique. C'est-à-dire qu'il examine la question du temps, Jean-Claude Schmitt, que vous avez absolument raison, avec, je dirais, une netteté par rapport à ce qu'on peut appeler le rôle de l'homme dans l'éternité, je dirais ça en gros, qui n'est jamais polémique, il parle de monarchie apostolique, et jamais de papauté ni de Saint-Siège. Patrick Boucheron. Oui, c'est un livre aujourd'hui dont on comprend bien combien il fut inventif, expérimental, et il nouait finalement des thèmes qui étaient ceux de Jacques Le Goff depuis le début de ses recherches. Le temps, Jean-Claude Schmitt l'a très bien dit, l'argent aussi, car il ne faut pas oublier que même si on s'en fait à juste titre l'image de l'historien de l'imaginaire, précisément, Jacques Le Goff avait commencé aussi à travailler sur le travail, sur les valeurs, en fait sur la question de la valeur. Et ce livre est un livre carrefour, on ne voit que si nous des thèmes qui vont se déployer et qui à la toute fin d'ailleurs, c'est ce qui est émouvant dans les derniers livres de Jacques Le Goff qui sont en somme comme une cérémonie des adieux, qui reprennent la question du temps, la question de l'argent. C'est-à-dire, au fond, ces problèmes qui étaient ceux-là même que Jacques Le Goff, comme historien, dès le départ, avait, au fond, appliqué au Moyen-Âge. Oui. Roger Chartier, troisième lindiste présent autour de cette table ce matin, pour vous, Jacques Le Goff, que vous avez bien connu, bien entendu, pas seulement pour les lundis, mais que vous avez, vous étiez un peu un compagnon à l'École des hautes études aussi, pendant longtemps. Oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser aux auditeurs qui ne connaissent de Jacques Le Goff qu'une voix. c'est-à-dire le fait qu'ils n'ont pas eu la chance ou le bonheur de le rencontrer comme nous. Et ça m'a donné l'idée qu'on peut peut-être leur conseiller d'aller sur YouTube ou sur le site de l'INA, parce qu'il y a deux extraits ou deux enregistrements de deux apostrophes, fameuse émission de Bernard Pivot, dans laquelle Jacques Le Goff est présent. Et on en voit, on peut en mesurer là le caractère d'humanité ou de gentillesse ou de grâce. La première émission, c'était après la publication d'un ouvrage qui avait pour titre « La nouvelle histoire ». Et Pivot l'avait mis dans cette position assez avec malice et de juger si les autres livres qui étaient discutés ce soir-là appartenait ou non à la nouvelle histoire. Alors il y avait le livre de Duby sur les trois ordres du féodalisme, il y avait le livre de Laurent Ladurie sur le carnaval de Romans, donc tout ça allait très bien pour Jacques Le Goff. Mais il y avait aussi un livre de Jean-Louis Borry, le fameux critique de cinéma, dont les joutes avec Georges Charansol sont restées légendaires, elles sont même devenues une pièce de théâtre, et qui avait écrit une biographie de Cambacérès, dont il était assez difficile, a priori, de penser qu'elle correspondait tout à fait aux critères que Jacques Le Goff mettait pour un livre qu'on pourrait qualifier de nouvelle histoire. Et avec une grâce infinie, une gentillesse immense, il récupère Jean-Louis Borry qui lui dit « Oui, c'est ça, annexez-moi, annexez-moi !» Et c'est un moment absolument délicieux qui traduit bien l'homme. La deuxième émission est sur le purgatoire. Et là, le débat est extrêmement sérieux avec Anthony Burgess, avec George Steiner. Mais on y retrouve aussi ce caractère d'humanité parce qu'il défend, comme le disait Philippe Levillain, d'un certain sens, le purgatoire, parce que le purgatoire est aimable. Le purgatoire permet de rassembler ce qui paraît absolument contradictoire, le mal absolu ou la félicité immédiate. Comme le disait Jean-Claude Schmitt, le temps des humains et le temps de l'éternité, la confession individuelle et les suffrages que les vivants peuvent apporter pour aider ces malheureux qui sont au purgatoire à en sortir plus rapidement. Et d'ailleurs, il donne une petite anecdote. Un jour, visitant une église à Nice, il trouve un tableau des âmes du purgatoire et puis une petite brochure. Et la brochure était publiée par les amis du purgatoire. Alors le mot même l'avait beaucoup plu, il avait trouvé ça un peu ridicule. Et puis ensuite, il avait réfléchi, non, finalement, le purgatoire est aimable. Alors je pense que si nos auditeurs deviennent des spectateurs devant leur ordinateur, ils pourront mesurer cette humanité profonde qui était une des caractéristiques de Jacques Le Goff. Oui, Jean-Claude Schmitt. Justement, Jacques Le Goff aimait répéter cette phrase, cette définition du purgatoire donnée par un auteur du XIIe siècle. Le purgatoire, c'est l'espoir. Exactement. Et donc là, son amabilité trouvait dans l'amabilité du purgatoire comme un écho ou une image. Est-ce qu'il fumait la pipe aux émissions de Pivot? Moi, je peux répondre, pas spécialement pour les émissions de Bernard Pivot, mais pour son séminaire. Pour son séminaire. Il aimait prendre sa pipe en main, la frotter, la manipuler, mais il ne la fumait pas. Non. Alors moi, je peux répondre sur les cours que j'ai suivis de lui à la rue d'Ulm, parce que je l'ai eu comme professeur. Vous l'avez eu comme professeur? Ah oui, c'était le jeune Jacques Le Goff, les intellectuels au Moyen-Âge, les banquiers. C'est comme Jean-Claude Schmitt. Il a fumé au début. C'était une sorte de geste propitiatoire dans lequel il montrait qu'il s'installait lentement dans son cours. Et alors, ce qui était extraordinaire, alors il ne l'a fumé plus après parce qu'il était emporté par le sujet même, je dirais, par le fleuve qui faisait rouler. Et ce qui était très frappant, il avait d'ailleurs comme compagnon d'autre quelqu'un qui est à l'opposé de lui-même en termes, je dirais, épistémologiques, Jean-Baptiste Durosel, qui fumait une cigarette avant le cours et qui s'arrêtait après. Et après, il n'a fumé plus parce que Jacques Le Goff donnait, donnait l'impression d'improviser. Or, c'était totalement faux. Tout était cordé dans sa tête comme un dessin de géométrie. Mais jamais il ne lisait de notes. Mais pour revenir à ce que vous disiez, Michel, sur notre familiarité avec Jean-Claude Schmitt ou moi-même comme collègue de Jacques Le Goff à l'École des hautes études, je crois qu'il faut rappeler ceci. Donc, non seulement Jacques Le Goff avait une très grande attention pour ce qu'il appelle dans un texte très beau qui est une égo-histoire écrit dans ce volume collectif, Essai d'égo-histoire, pour la communication, il pensait qu'on devait faire rendre aimable, accessible le savoir qui se construisait de manière plus érudite et rigoureuse, mais aussi un sens des institutions. C'est à lui que l'on doit l'École des hautes études en sciences sociales, qui a été émancipée de l'École pratique des hautes études lorsqu'il était, comme vous l'avez rappelé, le président en 1975, et qui est donc une grande institution académique, universitaire française, et le produit d'une initiative, d'une volonté de Jacques Le Goff. Et je crois que ceci est très important parce que cela montre que à son travail personnel, qui a déjà été évoqué à travers quelques titres de livres fameux, il ajoutait aussi ce souci de la communauté et de la collectivité. Oui. Vous vouliez, Roger Chartier, évoquer également le Jacques Le Goff faisant de l'histoire, d'en faire de l'histoire. Vous vouliez souligner son rôle dans Parce qu'en 1974, avec Pierre Nora, ils ont publié ces trois volumes, un peu un manifeste d'une histoire déjà faite ou d'une histoire qui devrait se faire avec des thèmes nouveaux. Vous évoquiez son souci de thèmes nouveaux dans les lundis de l'histoire. Il était tout à fait présent dans ces trois volumes. Et ce qui m'avait frappé aussi, c'est le fait de cette volonté d'équilibre de Jacques Le Goff qu'on retrouverait avec ce que j'essayais de dire sur son humanité. D'un côté, il a pu incarner à un moment donné l'histoire des mentalités. La grande tradition de l'adjectif utilisé par Lucien Febvre, et ensuite le substantif dans les travaux ou les séminaires de Duby, de Mandrou. Et dans ce volume, il a lui-même écrit une contribution sur l'histoire des mentalités, parce qu'il considère que étudier les mentalités, c'est étudier ce qu'il y a de collectif, de partagé dans une société. C'est ce que partage le légionnaire de César avec César lui-même, comme il le dit. Mais il a été, dès 1974, le sous-titre, c'est « Une histoire ambiguë ». Et ensuite, il reviendra sur ce qu'il percevait comme des limites à l'utilisation de cette notion, d'ailleurs un peu peut-être détruite ou usée par son succès même. Et dans ce texte, qu'il renforcera par la suite, il voulait montrer d'abord que, bien sûr, il y avait cette définition du partagé, mais qu'aussi on devait faire attention, ce que ne faisait pas toujours l'histoire ou la notion de mentalité, au fait qu'un même individu peut vivre dans plusieurs mentalités. Il prenait l'exemple de Louis XI, machiavélien en politique et superstitieux en matière de foi. Et puis surtout, vous l'avez déjà donné le mot, il pensait que la contribution, la collaboration avec l'ethnologie et l'anthropologie permettait de déplacer ce qui, dans l'histoire des mentalités, pouvait être des cadres de pensée, des concepts, des vocabulaires, la définition traditionnelle de Febvre, de l'outillage mental. Et il ouvrait la voie, par cette collaboration très attentive, et Jean-Claude Schmitt en est un témoin, un acteur privilégié, avec l'anthropologie et l'ethnologie, vers une autre histoire qui pouvait garder le terme mentalité, mais qui était l'histoire des rituels, l'histoire des cérémonies, l'histoire des gestes, l'histoire des images. Et il a ouvert la voie à ce qui était le titre même de son séminaire, Une anthropologie historique, dont il pensait d'ailleurs qu'elle devait prendre à bras le corps l'anthropologie politique, historique, puisqu'il attachait beaucoup d'importance à ces gestes, qui étaient non seulement les gestes du quotidien, mais aussi les gestes de l'investiture, de la consécration. Et donc je pense que c'est un essai extrêmement intéressant, parce que un souci de garder un héritage pour lui précieux, mais en même temps une volonté de le déplacer, de le transformer. Et donc du coup, pour lui, histoire des mentalités, anthropologie historique, histoire de l'imaginaire, pouvaient être associés dans un même projet intellectuel. Oui. Vous êtes, Jean-Claude Schmitt, ô combien placé pour parler de cela, puisque vous avez succédé en 1992, si je ne me trompe, à Jacques Le Goff, à la direction du groupe d'anthropologie historique médiévale. De l'Occident médiéval. De l'Occident médiéval, pardon. Voilà. Oui. Qui a été créé par Jacques Le Goff après cette phase de présidence de l'École des hautes études en sciences sociales jusqu'en 1977. Et donc c'est vers 1978 que ce groupe s'est créé, au sein d'ailleurs d'un centre de recherche historique de l'École des hautes études. Et le but était en effet, sur des objets précis, de développer ces méthodes beaucoup plus rigoureuses sous l'étiquette anthropologie historique, dont Roger Chartier vient de parler, que sous l'étiquette mentalité. Et il y a eu ce tâtonnement, en effet. D'ailleurs, les premiers séminaires de Jacques Le Goff n'étaient pas placés sous la vocation de l'anthropologie historique, qui n'était pas vraiment encore à la mode, si j'ose dire, mais de la sociologie historique. Il y avait un lien là avec des sociologues comme Franck Castel, par exemple, qui était sociologue et historien de l'art, mais sociologue de l'art, qui était très fort à ce moment-là. Et puis, ça s'est déplacé avec tout l'apport d'abord de l'ethnologie historique, l'ethnologie, c'est-à-dire l'anthropologie de l'Europe, en quelque sorte, et puis l'anthropologie générale avec des problématiques, des objets qui sont entrés ainsi dans le champ de l'historien. Pensons à la parenté, par exemple, hein, qui est typiquement l'objet sur lequel travaillent les anthropologues. Et c'est à partir de ce moment-là, pas seulement Jacques Le Goff, naturellement, que les historiens se sont mis à réfléchir sur les structures de parenté. Et naturellement, on pourrait évoquer ici l'influence de Claude Lévi-Strauss. Bien sûr, bien sûr. Et qu'on retrouve chez Duby aussi, et puis dans la génération suivante, chez Christiane Clapiche, bien sûr, bien sûr. Mais encore un mot avant de quitter l'école qu'on retrouvera souvent, le rôle de Jacques Le Goff aux Annales, Roger Chartier et Jean-Claude Schmitt, vous en avez été les témoins aussi. Je crois qu'il considérait qu'un moment important de la vie intellectuelle, c'est quand Braudel se retirant quelque peu, et dans une première phase où les rapports pouvaient être encore heureux, la direction des Annales a été confiée à Jacques Le Goff et le roi Ladurie, et qui ont donc du coup transformé ou habité la revue avec ce que vient de décrire aussi Jean-Claude Schmitt, c'est-à-dire un projet intellectuel qui, tout en restant fidèle, parce que la question de la fidélité est importante chez Jacques Le Goff. Oui. C'est pour ça que je pense que c'est une des dimensions de cette humanité. Pas de rupture violente, pas de dénonciation, des transformations qui peuvent garder le meilleur de l'héritage pour faire quelque chose de nouveau. Et donc je pense que pour lui, ce moment-là a été extrêmement important. En condition de souligner, il le dit d'ailleurs dans cet essai d'Ego-Histoire, que l'histoire n'est pas seulement celle des Annales. Et dans les lundis de l'histoire, il avait toujours gardé l'esprit la nécessité d'ouvrir à des formes d'histoire qui n'étaient pas forcément aussi éloignées que celles de Jean-Louis Borry, mais qui pour autant n'étaient pas strictement dans le droit fil des Annales. Donc je pense que c'est aussi un autre trait de son caractère, une sorte de bienveillance, de tolérance, d'ouverture, de compréhension de choses qui ne sont pas nécessairement celles que vous faites ou auxquelles vous pensez prioritairement, mais qui ont leur place. Et donc je pense que l'esprit des Annales était dans cette ligne-là. Oui, Fernand Braudel lui avait confié, ainsi qu'aux autres collègues, la direction des Annales en 1962, exactement, c'est-à-dire l'année où il est devenu directeur d'études à l'école des études, où il était entré peu avant, et il a été élu à ce moment-là, et il a gardé jusqu'à la fin ce souci des Annales, auquel il tenait beaucoup, réunissant parfois le comité de rédaction chez lui, et lisant les articles qu'on lui envoyait pour les commenter avec le secrétaire des Annales, pendant toute cette période, donc jusqu'à la fin. Il faut peut-être rappeler ça, c'est que Le Goff a été important vite. C'est ce que disait aussi Philippe Le Villain. En 1960, on lui demande d'écrire ce livre de chez Artaud, La civilisation de l'Occident médiéval. Il est encore jeune chercheur. Auparavant, il a écrit, comme il a été rappelé, ce livre très important sur les intellectuels au Moyen-Âge. Donc je pense qu'il y a un Le Goff des années 60. Ou même avant. Puisque les derniers les intellectuels et les marchands, c'est 56-57. Donc il y a quelque chose là qui est assez curieux, parce qu'en général, ce type de livre, en particulier chez D'Artaud, on le demande à des gens qui ont derrière eux une très longue carrière, accumulé les ouvrages, et ils commencent avec ça dans un certain sens. Oui. Et donc c'est vraiment un point à souligner, d'où du coup cette reconnaissance par Braudel, et puis les rôles qui lui sont donnés, à commencer par les Annales. Mais Braudel qui avait été un peu méfiant devant ce jeune homme, qui voyait arriver, qui ne connaissait pas et qui passait pas totalement par les circuits habituels. Philippe Le Villain. Non, je voulais quand même dire une chose qui me paraît importante, c'est que Jacques Le Goff n'a pas eu que des amis. Je dis parce que l'institution qui représentait l'école pratique des hautes études en sciences sociales, plus le rayonnement de Jacques Le Goff, plus l'héritage de Braudel, plus les Annales, donnaient le sentiment à d'aucuns qu'ils étaient dans une situation d'exclusion d'une forteresse de plus en plus constituée. Et notamment, il a connu des oppositions très fortes dans deux domaines qui ne pouvaient pas s'acclimater à la problématique le goffienne, si j'ose dire, l'histoire politique et l'histoire économique, qui restaient extrêmement traditionnelles. L'histoire des institutions, si j'ose dire, de l'autre, et ultérieurement du pouvoir, l'histoire économique des cycles. bon, qui n'entrait pas tout à fait, malgré Simian, qui était aussi un des grands inspirateurs de Braudel, dans le domaine que l'on peut dire de l'extension de l'histoire telle que l'entendait Le Goff, qui prononce en même temps pour un nouveau Moyen-Âge. On se dit où est la nouveauté et quelle est la prétention. Et alors, ce que je voulais ajouter par là, ce n'est pas du tout pour déprécier Jacques, tant s'en faut, puisqu'il a demandé que je rentre ici en 1989, c'est que quand je suis arrivé à Rome en 1977, il m'a dit c'est le cinquantenaire des Annales, donc 1979, fondé en 1929. Est-ce que tu peux faire le colloque sur le 50e des Annales à Rome, qui eut lieu? Et que donc, en tant que directeur des études pour l'histoire moderne et contemporaine, j'ai organisé à grands frais, qu'il a présidé, pour lequel Braudel a envoyé un fameux télégramme qui est aux archives de l'école, et que je n'ai jamais vu dans le bâtiment qui sert durant de local d'échange, place Navone à Rome, dans un lieu donc très prestigieux, autant de monde, non seulement dans les couloirs, mais dans les rues. On ne pouvait pas rentrer. Et ça, c'est pour parler aussi de la légitimité de Jacques Le Goff hors la France et de l'école qu'il a créée, notamment en Italie, moins en Angleterre, un peu en Allemagne, mais notamment en Italie, sur ce qu'est l'historiographie italienne qu'il a beaucoup contribué à modifier par modélisation. Patrick Boucheron, pour vous, les Annales, par exemple, qu'est-ce que ça représente encore aujourd'hui pour la jeune génération que vous représentez ? Jeune, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, je n'ai pas votre légitimité pour parler de Jacques Le Goff à ces micros. Puisqu'on parle des lundis de l'histoire, permettez-moi un souvenir qui est celui de ma première émission. C'est important quand même pour un médiéviste, au fond, lorsqu'on se risquait à écrire des livres. Là, en l'occurrence, c'était le premier, c'était ma thèse. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer secrètement de mieux que d'être invité au micro de Jacques Le Goff ? Et je me souviens, puisque, effectivement, j'ai pas été son élève, encore moins son collègue. Pour moi, c'était juste un auteur et un grand auteur. Un jour, je reçois un coup de fil. « Bonjour, cher ami, c'est Jacques Le Goff. » Et j'ai vérifié, même les premiers coups de fil, c'était toujours « cher ami », ce qui est... C'est cette bienveillance, c'est au fond cette reconnaissance aussi. Qu'est-ce qu'une c'est la définition assez exacte de ce que peuvent les livres, c'est-à-dire créer des amitiés entre des invisibles mais sincères. Et donc, c'était en 98, c'est-à-dire 30 ans après le début de cette émission, qui, à vous entendre, dont je comprends mieux au fond combien elle était contemporaine de ces révolutions épistémologiques et combien elles en étaient, en somme, la mise en onde. Et combien elle est contemporaine. Elle est, bien sûr. Et alors, la question, c'est de savoir comment vivre, comment relayer, comment, d'une certaine manière, poursuivre cela et comment se porter à hauteur d'une telle exigence. Lorsque j'ai commencé, effectivement, comme tout le monde de ma génération, à apprendre mon Moyen-Âge, c'était celui de Jacques Le Goff. Et de Jean-Claude Schmitt et de ses élèves et de tous ceux qui, d'une certaine manière, autour de lui, avec lui, grâce à lui, avaient fait triompher cet autre Moyen-Âge, qui n'avait plus besoin, en somme, de s'affirmer comme en rupture avec les pratiques enseignées, puisque c'était cela, au fond, qui devenait, je ne veux pas dire la norme, mais en tout cas... ce qui donnait envie. Voilà, l'histoire vivante. L'histoire vivante. Et d'une certaine manière, à ce moment-là, qu'est-ce que ça voulait dire de retrouver la force, la puissance, l'originalité de ce qui fut au départ révolutionnaire. Et le propre, effectivement, des révolutions symboliques, c'est qu'elles deviennent invisibles dès lors qu'elles ont triomphé. Roger Chartier parlait de sa bienveillance, de l'ogre historien qui, d'une certaine manière, tactiquement également, va comprendre son adversaire, y compris Jean-Louis Borry. Le Saint-Louis, c'est la dernière forteresse qui tombe. C'est-à-dire la grande et imposante biographie historique, politique, d'histoire politique, d'une certaine manière, qui tombe dans, d'une certaine manière, l'empire de la nouvelle histoire. Alors comment la rendre vivante aujourd'hui ? D'abord, en la poursuivant, en retrouvant la promesse d'innovation et de jeunesse qu'il y avait là-dedans, l'incroyable jeunesse. Et puis aussi en se souvenant que les combats pour l'histoire, ils ne sont jamais gagnés une fois pour toutes. C'est-à-dire que je dis, voilà, c'est aujourd'hui l'autre Moyen-Âge est devenu le Moyen-Âge, mais ce n'est pas si vrai. Après tout, il y a toujours des gens pour souhaiter, plus ou moins implicitement, un retour d'une épistémologie plus resserrée sur une érudition qui ignore les sciences sociales. Enfin, ça existe. Hein, je pense que Jean-Claude, on le voit aussi aujourd'hui. Donc c'est un héritage qui est vivant et à défendre. Le risque de repli. Vous venez de parler du Saint-Louis. Je pense que nous allons entendre un extrait des conclusions du Saint-Louis sur lesquelles ensuite nous échangerons. Jean-Pierre Leroux, si vous voulez bien. Oui, je dois dire que je me sens assez ému d'avoir à lire ce texte pour la première fois en l'absence de Jacques et de savoir surtout que ces rendez-vous d'amitié que j'avais avec lui une ou deux fois par mois ne seront plus là. Mais je lui rends cet hommage-là parce que je l'aimais beaucoup. Je me suis senti d'abord très loin de lui, par la distance du temps et le statut social. Comment même avec les privilèges de l'historien, approcher un roi et un saint? Puis, à travers les documents et l'analyse de leur production, je l'ai senti de plus en plus proche. Je ne l'ai pas vu en rêve, mais je crois que j'aurais, comme Joinville, pu le faire. Et ce que j'ai de plus en plus ressenti, c'est l'attraction, la fascination du personnage. Je crois avoir compris que beaucoup aient eu envie de le voir, de l'entendre, de le toucher. Au prestige de la fonction que ses prédécesseurs capétiens avaient soigneusement édifiée s'ajoutait surtout un charisme personnel, celui d'un roi qui n'avait pas besoin de porter la couronne et les insignes du pouvoir pour impressionner, celui du roi, ce grand, maigre et beau Louis aux yeux de colombe que frère Salimbène de Parme avait vu arriver pieds nus dans la poussière du chemin qui menait à Sens. Un personnage impressionnant, au-delà de son apparence, une des illustrations les plus saisissantes de la théorie weberienne du charisme, une des plus remarquables incarnations d'un type, d'une catégorie du pouvoir, volonté de réaliser un type de prince idéal. Le talent d'être en même temps profondément idéaliste et considérablement réaliste. La grandeur dans la victoire et la défaite, l'incarnation d'une harmonie en apparence contradictoire entre la politique et la religion, un homme de guerre pacifiste, un bâtisseur de l'État, toujours prêt à s'inquiéter du comportement de ses représentants, la fascination de la pauvreté tout en tenant son rang, la passion pour la justice, tout en respectant un ordre profondément inégalitaire, l'union de la volonté et de la grâce, de la logique et du hasard, sans lesquels il n'y a pas de destin. Puis il m'est devenu plus familier. Je l'ai entendu rire, plaisanter, taquiner ses amis, faire avec un minimum d'affectation des gestes simples comme celui de s'asseoir par terre. J'ai cru comprendre qu'il lui en coûta de réfréner son naturel, la chaleur de son sang dans l'action amoureuse, la colère ou l'élan physique, le goût de la bonne nourriture, des beaux poissons et des fruits bien frais, le besoin de rire, fût-ce le vendredi, le plaisir de bavarder. Un homme, tout simplement. Derrière le surhomme qu'érige la bulle de canonisation, et j'ai conçu pour lui un mélange d'admiration et d'amitié, l'éloignement dans le temps et l'impertinence de l'historien lui permettant d'oublier son rang. Devenu, sans avoir à chercher s'il m'acceptait, un de ses familiers, je me suis enfin mis à ressentir pour lui les sentiments que l'on nourrit pour un proche, et je l'ai détesté autant que je l'ai aimé. Une détestation, certes, qui provenait surtout de mes sentiments d'homme du XXe siècle. Une hostilité fondamentale à son idéal d'ascétisme lié à des pratiques pénitentielles extérieures, flagellation surtout, à son intolérance venue du respect à la lettre des rigueurs de la religion, à son fanatisme à l'égard des juifs, à sa volonté d'imposer sa dévotion à son entourage, à sa marche irrésistible vers un ordre moral de plus en plus rigoureux et aveugle. Joinville aurait-il résisté à une fréquentation quotidienne du roi après son retour des croisades ? À son moralisme, toujours plus étroit, à ses propos toujours plus sermonneurs, à son dolorisme, toujours moins humain, et cette indifférence aux autres qui le saisissait souvent et que Joinville a stigmatisé quand elle concernait sa femme et ses enfants. Indifférence où l'entraînait son penchant à préférer la rumination religieuse et la poursuite de l'idéal aux attachements terrestres qui, pourtant, le reprenaient parfois. Alors, il pleurait encore. Mais la fascination, je l'avoue, demeure. Texte magnifique, à la fois sur Saint-Louis, mais aussi sur Jacques Le Goff et son amour, la proximité, la détestation et l'amour, etc. Jean-Claude Schmitt, alors, c'est en nous effet, avons choisi là, ensemble ce texte, oui, il y a des raisons. C'est un texte émouvant parce que d'abord, c'est la conclusion de cet énorme livre sur Saint-Louis. Dans laquelle on retrouve en effet Jacques Le Goff tout entier à travers ce portrait de Saint-Louis, l'empathie de l'historien pour son personnage. Hein, et c'est ce qui justifie la biographie, finalement, telle qu'il l'entendait, cette biographie qui avait été tellement écartée de l'histoire des annales au départ et qui reprend ici une légitimité parce que ça devient une sorte d'histoire totale d'un siècle tout entier à travers un personnage qui en est, jusque dans ses contradictions, le meilleur représentant ou, faudrait-il dire, l'incarnation parfaite. Et alors, la manière dont Jacques Le Goff se retrouve, en somme, dans son Saint-Louis, est extraordinaire, puisque ce Saint-Louis qui aime manger, hein, les bonnes nourritures, dit-il, ce Saint-Louis très humain, c'est évidemment lui. Et puis, en même temps, cette aversion totale pour le dolorisme, pour la moralisation, pour pour la religiosité, disons. Hein. Et Jacques Le Goff s'est d'ailleurs expliqué sur son rapport à la religion, totalement agnostique, mais en même temps assez fasciné. Et on retrouve quelque chose de cette fascination dans ce portrait. Donc voilà, je trouve tout à fait remarquable la manière dont il fait sien ce personnage et en même temps, à travers lui, la manière dont il comprend ce Moyen-Âge central du XIIIe siècle qui a été vraiment sa grande période. Hein. Et je pense que d'ailleurs, ce qu'il dit du dolorisme et de la religion à la fin explique aussi qu'il ne se soit pas beaucoup occupé de la fin du Moyen-Âge, ce Moyen-Âge de sang et de rose dont parlait Huizinga. Hein. Ça n'était pas son objet. Son objet, c'était le Moyen-Âge triomphant, la ville en pleine expansion, le commerce, justement le purgatoire comme espoir, etc. Tout ce qu'il y avait de force vive et qu'il retrouvait dans ce personnage qui est total, puisque c'est à la fois un saint et un roi, ce qui est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas ? Il a été, certes, il y avait déjà Robert le Pieux, mais ce n'était pas le même type de canonisation. Tandis que là, c'est un saint qui meurt, c'est un roi qui meurt en 1270 et qui, en 1297, est effectivement officiellement canonisé. Donc, il est saint et roi. D'où, d'ailleurs, puisque dans ce texte, il y fait allusion, le texte de Joinville. Il dit aussi, s'il n'y avait pas eu Joinville, il n'y aurait pas eu Saint-Louis. Parce que, en fait, certes, Saint-Louis aurait existé, mais on ne le connaîtrait pas de la même manière. Et on le connaît à travers plusieurs textes, liés d'ailleurs au procès de canonisation, qui va aboutir à cette canonisation à la fin du XIIIe siècle, donc nettement après la mort. Et parmi ces textes, il y en a donc des textes ecclésiastiques qui sont, je dirais, moins passionnants de ce point de vue-là, mais il y a un texte en français d'un laïc, et qui est Joinville, qui a été l'ami de Joinville, lui qui rêve de Saint-Louis. Hein, il a été l'ami de Saint-Louis, et de Louis, disons. Et il rêve, après la mort de lui, il rêve de cet ami qu'il a perdu, d'où l'allusion au rêve aussi dans ce texte. Et il écrit au début, ou il achève cet écrit au début du XIVe siècle, hein, Joinville, et parle, il fait parler à la première personne, Saint-Louis. Il l'a connu, il l'a aimé, il l'a touché. Il insiste beaucoup là-dessus. Donc tout ce contact physique avec ce grand ami perdu, eh bien, c'est ce qui a permis à Jacques Le Goff, en fait, d'écrire ce livre. Et lui-même, un peu à la manière de Joinville, à la place de Joinville, de s'approcher aussi près de ce personnage. Oui. Oui. C'est probablement un des livres les plus importants de Jacques Le Goff. Vous l'avez vu, vous, le fabricant, parce que ça a duré quand même assez longtemps, cette œuvre. Hein. Il a travaillé longtemps. Comme tous ses livres, et celui-ci est particulièrement gros, il faut bien dire. Ça a mis du temps. Il les a portés longtemps. Il a enseigné aussi toute cette matière de ses livres. C'était vrai, c'était du dans purgatoire. Les séminaires. C'était... Bien sûr, chacun peut avoir des préférences pour tel ou tel livre. Mais à vrai dire, moi, ils me plaisent tous, mais pour des raisons différentes, parce qu'ils sont tellement variés. Mais c'est vrai que le purgatoire, la naissance du purgatoire, et puis Saint-Louis, simplement ce titre, Saint-Louis, ce sont sans doute les deux plus grands livres qui consacrent vraiment Jacques Le Goff dans toute son ampleur. Hein. Tout à fait. Et Jacques Le Goff dit « Nous sommes tous nés du Moyen-Âge ». Il y a une espèce de revendication, j'allais dire matricielle, du Moyen-Âge, qui fait que dans un de ses derniers livres, Le Long Moyen-Âge balaie un peu les autres périodes qui ne sont pas très importantes. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Claude Suite, et vous, Patrick Boucheron, et puis Roger ? Alors, nous sommes nés du Moyen-Âge, cela recouvre certainement plusieurs significations. Il y a en effet le Long Moyen-Âge, c'est-à-dire cette idée de Jacques Le Goff qui est que la périodisation, il est revenu dans son tout dernier livre, alors, sur une question, faut-il couper l'histoire en tranches, je sais pas. La périodisation traditionnelle de l'histoire, notamment quadripartite, hein, antiquité, Moyen-Âge, histoire moderne, histoire contemporaine, n'est pas valide et qu'il faut penser, si on pense comme lui, c'est-à-dire dans des termes vraiment de structure profonde du Moyen-Âge, par exemple, le travail de la terre, cette énorme prééminence de l'économie rurale, mais aussi les mentalités dont on parlait, la force de la religion. Le fait, en même temps, parce qu'il n'y a pas que tout n'est pas blanc dans ce Moyen-Âge, les systèmes d'assujettissement, de domination de l'homme, la féodalité, si l'on veut, ou le féodalisme, au sens plutôt marxiste du terme, eh bien que tout cela... dure en fait, avec des changements bien sûr, mais dure en profondeur jusqu'aux révolutions industrielles, à la révolution industrielle et à la révolution politique de 1789 et des autres révolutions du 19e siècle. Voilà, donc il y a cette idée-là. Donc en fait, le Moyen-Âge, eh bien, il est tout récent, il est encore tout proche. Hein, il est tout proche, ça fait deux siècles en somme qu'on en est sorti. Et en est-on totalement sorti ? Eh bien, ça n'est pas absolument certain. Il y a aussi des continuités jusque dans notre société. Donc il y a cela. Mais je pense qu'il y a plus profond que ça. Il y a aussi que ces hommes si différents que l'on découvre, à travers même leurs différences, on peut les approcher dans, par exemple, leur rire, leurs larmes, leur manière de manger, leurs gestes, etc. Et que tout cela fait sens pour nous. Et le Moyen-Âge, dans le fond, c'est un peu une période, pour lui, un objet idéal, une période idéale parce qu'elle est bien documentée et en même temps, on n'est pas écrasé par la quantité des sources, n'est-ce pas, de l'histoire contemporaine. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fasse pas une très bonne histoire contemporaine, mais c'est autre chose. Le rapport à l'archive est très différent. Oui. Tandis qu'au Moyen-Âge, bien, par rapport à l'Antiquité, on a quand même beaucoup plus de sources. Donc, il se sentait bien à l'aise dans cette période où il avait beaucoup de textes de toutes sortes, etc., des images, tout ce qu'on veut. Et puis, mais en même temps, il était, justement, c'était des sources qui lui permettaient d'avoir cette approche qualitative, très souvent. Parfois quantitative aussi, on pourrait en parler, mais qualitative, c'est-à-dire à travers ce petit travail de dentelle de l'explication des sources, des textes, il adorait ça. Le séminaire, c'était ça. C'était travailler sur un texte et peser chaque mot. Hein. Eh bien, ça, on peut le faire parce qu'on n'est pas absolument débordé par des kilomètres et des kilomètres d'archives de la Sécurité sociale, par exemple. Vous voyez, on n'aurait pas fait le même travail. Oui. Il parle du merveilleux Moyen-Âge qui, justement, n'est pas submergé. Roger Chartier, à propos de cette périodisation et ce refus de périodisation. Oui, je crois d'abord que ça se lie à un intérêt qu'il manifeste dans cette autobiographie et qui était un intérêt pour le calendrier. Il dit que c'est un grand personnage, le calendrier. Et il soutient la Révolution française, mais il n'aimait pas l'idée que la Révolution française voulait imposer un nouveau calendrier. Ça ne lui convenait pas. Et alors, donc, dans cette idée du calendrier, il est aussi intéressé, et Patrick Bouchon le rappelait, puisqu'il y est revenu à la fin de sa vie, dans ce petit livre que vient juste de citer Jean Goldschmidt, par la manière dont avaient été construites les désignations des périodes. Et il montre que l'idée d'âge moyen apparaît à Pétrarque, 14e siècle, que l'idée de Moyen-Âge, évidemment, par définition, elle n'était pas celle des gens qui ont vécu dans ce supposé Moyen-Âge. Finalement, il y avait cette obsession aussi, ou cet intérêt, pour la façon dont on avait fait des découpages du temps, donc des calendriers. Est-ce qu'il l'amenait à lui-même à cette proposition ? Et il y a une formule, par exemple, dans ce petit livre. Si importante qu'elle ait été, si fondée qu'elle soit méritée une individualisation dans la durée historique, la Renaissance ne représente pas, selon moi, une période particulière. Elle constitue la dernière Renaissance d'un long Moyen-Âge. Et ce long Moyen-Âge commençait dans l'Antiquité tardive. Alors il dit 3e, 7e siècle. Donc on peut y mettre aussi la Renaissance carolingienne. Il y a la Renaissance du 12e siècle et puis il y a la Renaissance du 16e siècle. Mais comme il dit, elle ne justifie pas une séparation entre une période nouvelle qui serait la Renaissance et le Moyen-Âge. Alors, et la fin de ce Moyen-Âge, ça varie un peu. Quelquefois, c'est le 18e siècle, et quelquefois, c'est, comme l'ont rappelé Jean-Claude Schmitt, la révolution industrielle. Alors, je pense qu'il y avait un aspect d'insistance, de provocation, en particulier pour déstabiliser les découpages traditionnels en quatre parties de l'histoire qui nous ont dominés, qui ont dominé et dominent encore le monde académique, et qui, effectivement, est très profitable, puisqu'on voit beaucoup d'historiens, et il y en a même autour de cette table, qui, aujourd'hui, franchissent des frontières canoniques entre des périodes, sans accepter nécessairement le très long Moyen-Âge de Jacques Le Goff depuis le 3e siècle jusqu'au 19e siècle, mais qui néanmoins considère que, en soi, c'est un objet historique important, ce découpage et la construction des découpages du temps. Donc il était intéressé aussi par les conceptions cycliques du temps, les alternatives données à différents découpages des âges de l'humanité, et puis par cette proposition, effectivement, qu'il est justifié sur des continuités de très longue durée. Bon, je pense qu'on peut effectivement enlever à la Renaissance du XVIe siècle son privilège d'être la seule Renaissance. Et donc, il a tout à fait raison de considérer que elle peut... le problème peut-être du désenclavement du monde à partir des mises en rapport au XVe siècle des continents, il était très intéressé par cette nouvelle manière de penser l'histoire. Pourrait l'espace, peut-être donner des l'espace. Arguments pour ceux qui voudraient montrer que quelque chose se passe dans cette continuité de longue durée à partir de la fin du milieu du 15e siècle, finalement. Les découvertes, l'expansion et le désenclavement. Oui. Patrick Boucheron, je crois que ce sont des choses auxquelles vous êtes très sensible. Mais oui, parce qu'en fait, ce programme du long Moyen-Âge, c'est un programme un peu malicieux d'une certaine manière, parce qu'il sait très bien qu'il est au fond intenable. Et comme l'a rappelé justement Jean-Claude Schmitt, lui-même se maintient au fond dans ce siècle des cathédrales et des sommes théologiques qu'est le XIIIe siècle. Et pour des raisons d'ailleurs qu'on entend très bien dans le texte qui vient de nous être magnifiquement lu. Parce que, après, bah justement, il y a tout ce que Jacques Le Goff, qui, au fond, avait inventé le long Moyen-Âge pour, effectivement, rapprocher le Moyen-Âge de lui et de nous, eh bien, avec quelques scrupules à vouloir tout à fait rentrer dans ce qu'il appelle, dans le texte que vous avez lu, Jean-Pierre, l'intolérance, la bigoterie, l'État triomphant, voilà, tout cela, il ne l'aimait pas beaucoup, en somme. Et je voudrais revenir sur ce texte, il est très touchant, parce que, comme tout grand texte d'histoire, c'est aussi le portrait d'une voix, et d'une voix d'un historien qui se débat. Alors il débat avec lui-même et il se bat aussi contre ce personnage qu'il a voulu ramener à lui, mais qui en même temps lui déplaît de bien des manières. Et souvenez-vous, c'est un homme tout simplement. Et finalement, ça veut dire que une biographie malgré tout, mais pour amener Saint-Louis à être un homme, ce que Jean-Louis Borry n'aurait jamais douté qu'il fût. Confiant dans son écriture et dans la certitude que l'historien peut ramener tranquillement. Mais Le Goff après tout ce lent travail de déconstruction des sources, après avoir douté de l'existence même de Saint-Louis, n'est-il pas autre chose que la production documentaire de cette lente patience capétienne à vouloir faire d'un roi un saint ? S'il n'y avait pas eu Joinville, c'est cet homme qui, effectivement, a écrit l'histoire de l'homme de sa vie, en somme, il ne se serait pas risqué à aller le chercher en chair et en voix, si j'ose dire. Donc, c'est à l'issue d'un long combat que Le Goff peut dire « Oui, finalement, au bout du bout, Saint-Louis est un homme, tout simplement. » Et ce long combat, c'est quand même aussi celui de la nouvelle histoire qui a construit tant de procédures critiques pour mettre à distance l'évidence, mais qui en même temps, chez Le Goff, ne pouvait pas se résoudre à être une histoire distante. Parce qu'il fallait quand même intéresser les gens. Il fallait quand même happer leur attention. Et c'est cela aussi Saint-Louis, du point de vue de son succès public, qui est considérable. Considérable, absolument. Il y a un mot qu'on a prononcé à plusieurs reprises, mais pas tant que ça, imaginaire. Or, l'imaginaire, Le Goff est imaginaire. Jean-Claude Schmitt, vous avez particulièrement, vous, travaillé sur les images, les gestes, bien sûr, beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qu'il voyait avec l'imaginaire ? Alors, il faut rappeler en effet qu'un de ses livres, un recueil d'études, d'essais, s'appelle L'imaginaire médiéval. Et dans lequel il définit très bien ce qu'il entend par cela dans l'introduction, notamment la distinction imaginaire-idéologie. C'est-à-dire que l'imaginaire, c'est ce qui va, peut-être justement du côté des mentalités dont on a parlé, tout cet immense domaine de la mémoire, et il a aussi consacré un livre à histoire et mémoire, et cet immense domaine des images de toutes sortes, c'est-à-dire aussi bien des images immatérielles que des images matérielles. Et nous sommes, je pense, particulièrement bien armés aujourd'hui pour comprendre ce domaine, avec nos images virtuelles, d'une part, et avec la place que le rêve, par la psychanalyse, a acquise dans notre culture. Donc c'est tout cet immense domaine qui est absolument essentiel pour comprendre les réalités matérielles d'une culture. Il n'a jamais séparé les unes et les autres, n'est-ce pas, ces réalités matérielles, institutionnelles, politiques, économiques, si on veut, et l'imaginaire. Alors, dans l'imaginaire, il y a image. Et bien sûr, il s'est aussi intéressé aux images matérielles. Il n'en a pas fait un objet en soi, pas du tout, mais il a, par exemple, toujours veillé très soigneusement à l'iconographie de ses livres, choisissant ses images et les commentant. Dont le dernier, dont un livre aussi, justement, Le Moyen-Âge en images, ah livre, oui, magnifique. Hein, dans lequel il a, en quelque sorte, donné son musée imaginaire. Oui. C'est-à-dire toutes ces collections de cartes postales qu'il avait, au gré de ses voyages achetés, recueillis, sur lesquels il avait réfléchi, et il en a fait un choix pour en faire un livre. Commenter. Voilà. Donc, c'est finalement cet imaginaire, il est bien à l'échelle de sa conception même de l'histoire et en particulier du Moyen-Âge, parce que tout y entre. Tout y entre, absolument. Oui, oui. Non, je veux dire seulement deux mots. On n'a pas, dit que Jacques Le Goff, le texte lu par Jean-Pierre Le Roulevaux, est un écrivain, un grand écrivain. Et c'est un écrivain par le jeu des contrastes. Je détestais autant que je l'aimais. C'est du Racine, ça. C'est magnifique. C'est le sens de la nuance, de l'approfondissement et de ce que représente vraiment la sensibilité vis-à-vis de quelqu'un dont Patrick Boucheron dit très bien que, finalement, il avait recréé en se créant. Jean-Pierre ? Tout à l'heure, nous avons échangé avec M. Chartier quelques mots devant l'œuvre magistrale de Jacques. Il y a un petit livre aussi qui m'a beaucoup touché. C'est le livre qu'il avait écrit pour la dame de sa vie, Anka. Et ce petit livre est extraordinairement touchant. Nous en avons parlé tout à l'heure. Alors, j'avais envie de le mentionner dans l'œuvre magistrale de Jacques, parce que ça, c'est la parcelle de l'être humain que vous avez tous développé les uns et les autres, parce que c'était un homme magnifique. Eh bien, on ne peut imaginer plus belle conclusion, Jean-Pierre Leroux. Nous avons voulu, dans cette dernière séance, qui aurait dû être celle de Jacques, lui rendre hommage. Mais il ne nous quitte pas. Son œuvre est là. Nous y reviendrons sans cesse, les uns et les autres, en particulier et en général. Au revoir Jacques et à bientôt. C'était Les Lundis de l'Histoire, en l'honneur de Jacques Le Goff. Prise de son Claude Niort, réalisation Ghislaine David. Dans quelques instants, C'est pas la peine de crier, par Marie Richeux. Au revoir.